إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية باللغة الفرنسية. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers auditeurs, nous vous présentons le bulletin d'information de l'État islamique pour le vendredi 2 et le samedi 3 du mois de Muharram de l'année 1437 de l'Hégire. Nous commençons ce bulletin par les titres les plus importants. Vendredi, un détachement secret a pu tuer et blesser plusieurs apostats sahawat dans une embuscade à l'intérieur de la ville de Sheikh Zouaï dans la région du Sinaï. Une contre-attaque a été effectuée face à une tentative d'offensive à la localité d'Albou Iyada. Des dizaines de safavides ont été tués et blessés lors d'une embuscade près de Jami'atul Anbar, dans la région d'Al-Anbar. Une opération d'intrusion a été procédée contre les apostats du PKK dans le village de Safawiya. Près de 20 apostats ont été tués au nord de la région de Raqqa. Samedi, une opération d'intrusion a été effectuée dans un temple rafidite des idolâtres dans la localité d'Al-Qatif, dans la région d'Al-Bahreïn. Une montgolfière de reconnaissance de l'armée libanaise a été abattue, avancée vers le quartier d'Al-Tadamoun et prise de contrôle de plusieurs édifices importants dans la région de Damas. Une montgolfière de reconnaissance de l'armée libanaise a été abattue, avancée vers le quartier de Tadamoun et une prise de contrôle de plusieurs édifices importants dans la région de Damas. Des dizaines de soldats de l'armée rafidite tués et blessés dans les batailles de l'Est d'Al-Bardadi dans la région d'Al-Anbar. Prise de contrôle de deux checkpoints du régime Nusayrid près de la localité d'Athriya dans la région d'Alep. Vendredi, Wilaya du Sinaï. Un détachement des soldats du califat a tendu une embuscade contre des sahawats de l'apostasie à l'intérieur de la ville de Sheikh Zouaï. Plusieurs apostats ont été tués et d'autres ont été blessés. Diverses armes ainsi qu'un véhicule ont été saisies en butin. Un autre véhicule leur appartenant a été incendié. Par ailleurs, une mine a été déclenchée contre un blindé de la police de l'apostasie sur la route d'Al-Bahr à proximité de Niyabatul Askariya dans la ville d'Al-Arish. Un officier a été tué ainsi que plusieurs soldats. Wilaya d'Al-Anbar. Les soldats du califat ont pu mettre la main sur des membres des milices safavides, souhaites et des MP rafidis dans une embuscade près de Jami'atul Anbar. Des dizaines d'apostats ont été tués et blessés. Une contre-attaque a été effectuée face à une tentative d'offensive échouée de l'armée des MP rafidites dans la localité d'Al-Bou'iyada, à l'ouest de la ville de Ramadi, ce qui a causé de grosses pertes humaines et matérielles dans leur rang. Près de cette localité, un tank Abrahams de l'armée safavide a été incendié et un bulldozer a été également incendié près de Jami'atul Anbar, tous deux par des missiles à tête. Par ailleurs, des rassemblements de l'armée des MP rafidites au nord de la ville de Ramadi a été pris pour cible à l'artillerie lourde et aux obus de Hawn. Plusieurs ont été tués et blessés. Wilaya de Sana'a. Une mine a été déclenchée contre un point de la police militaire dans la localité d'Al-Medina, chez Douar al-Nasr, ce qui a causé plusieurs tués et blessés. Wilaya du nord de Bagdad. Une caserne de l'armée safavide a été prise pour cible par plusieurs armes près d'Ibn Sina et une mine a été déclenchée contre une patrouille dans la localité de Tarimiya. La caserne a été détruite, causant des morts et des blessés parmi les apostats. Wilaya de Salahuddin. Les soldats du califat ont pris pour cible plusieurs véhicules de l'armée rafidite au nord de la ville de Biji et à Sadat Samara. Un tank Abrahams ainsi que trois véhicules Hummer ont été incendiés et deux véhicules transportant des vivres et des équipements ont été endommagés lors de leur prise pour cible à l'arme lourde et par des mines. Des rassemblements et des casernes de l'armée safavide ont été bombardés aux missiles Katyusha et Grad au nord de la ville de Biji et de la rue Watban à l'ouest de la ville de Samara. Wilaya de Barqa. Un refuge des soldats du Tarout a été pris pour cible aux missiles et à l'artillerie lourde dans la localité de Laifi. Il a été touché sur le coup. Un membre des Sahawats de l'apostasie a été tué au sniper dans la même localité. Wilaya d'Al-Fallujah. Un véhicule de l'armée safavide a été endommagé par une arme lourde près d'Al-Lahib. Wilaya d'Al-Janoub. Les soldats du califat ont bombardé aux obus de Hawn et des missiles de fabrication artisanale des casernes de l'armée safavide dans plusieurs localités d'Al-Haytawin. Dans la localité d'Al-Yusufiya, une mine a été déclenchée contre une patrouille de l'armée rafidite à Al-Qasr Al-Awsat. Deux d'entre eux ont été tués. Aussi, deux soldats safavides ont été tués au sniper dans la localité d'Al-Tufaha. Samedi, Wilaya d'Al-Bahreïn. Un soldat du califat, Shuja' Ad-Dawsari, s'est introduit avec une arme kalachnikov dans un temple rafidite idolâtre, Husayniyatul Hamza, à la commune de Sihad, dans la localité d'Al-Qatif. Par la grâce d'Allah, il a pu tuer et blesser des dizaines d'entre eux alors qu'ils venaient de terminer leurs pratiques idolâtres. La louange appartient à Allah et nous lui demandons qu'il accepte notre frère parmi les martyrs. Wilaya de Damas. Les soldats du califat se sont avancés vers le quartier d'At-Tadamoun à Damas sur l'axe de la rue d'Aboul et de la mosquée Umahat al-Mu'minin. Après des affrontements avec des sahawats de l'apostasie, 12 apostats ont été tués. Puis une prise d'assaut menée par deux groupes des soldats du califat eut lieu sur près de 15 bâtiments. Des armes légères ainsi que des mortiers et des obus ont été saisis en butin. D'importants édifices ont été conquis, elles permettent d'observer des zones et des positions importantes des communes de Yelda et de Babila. Sur les chaînes de montagnes de l'est du Liban, des positions du Hezbollah ont été prises pour cible par une salve d'obus dans Qal'at al-Matr. Par ailleurs, une montgolfière de reconnaissance de l'armée libanaise a été abattue à l'arme légère et moyenne à l'ouest d'Al-Qalamun, la louange appartient à Allah, Wilaya d'Al-Anbar. Les soldats du califat ont pu détruire 8 véhicules de l'armée safavide et des sahawades de l'apostasie, mais aussi tuer et blesser des dizaines d'entre eux dans des batailles violentes qui ont lieu à l'entrée est d'Al-Baghdadi. Un de leurs rassemblements a été pris pour cible par un véhicule piégé conduit par un istishhadi, près de la localité d'Al-Mu'assassa à l'est d'Al-Baghdadi. De nombreux apostats ont été tués et blessés et plusieurs véhicules ont été détruits. La louange appartient à Allah et nous lui demandons qu'il accepte notre frère parmi les martyrs. Par ailleurs, l'aviation de la coalition croisée safavide, qu'Allah l'humilie, a mené 5 raids prenant pour cible la ville de Hit, ce qui a causé la mort de 10 musulmans. Wilaya d'Alep. Lors d'une opération bénie, les soldats du califat ont pu s'introduire de nuit vers 2 checkpoints du régime Nusayrid dans la localité de Thriya. Après des affrontements avec eux, Allah a donné victoire aux Mujahidines. Ils ont pu prendre le contrôle de 2 checkpoints, tuer 10 apostats et en capturer un autre. Une mitrailleuse, 2 mortiers ainsi que des armes anti-chars ont été saisies en butin. La louange appartient à Allah. Wilaya de Salahuddin. Un tank de type T-72 a été endommagé et un bulldozer blindé de l'armée des Empire Rafidites a été incendié à l'ouest de la ville de Biji lors de leur prise pour cible à l'arme lourde et au missile. La louange appartient à Allah. Wilaya del Fallujah. Les soldats du califat ont pris pour cible aux obus de mortier et aux missiles de fabrication artisanale des casernes de l'armée safavide et des Empire Rafidites dans plusieurs localités d'Al-Karama. Mais aussi des positions de sahawad de l'apostasie à Amiriyat al-Fallujah ont été touchées sur le coup. Une caserne de l'armée safavide a été incendiée à Al-Hayakil al-Sakaniya au sud-est de la ville d'Al-Fallujah. Cela lors de sa prise pour cible par une arme de 23 mm. On compte des morts et des blessés parmi ceux qui furent à l'intérieur. La louange appartient à Allah. Wilaya de Diyala. Une contre-attaque a été effectuée face aux forces des milices Rafidites Souet et des MP Rafidites dans la localité d'Al-Udaym au village d'Al-Bouwahid. Des affrontements ont eu lieu et une série de mines a été déclenchée. Plusieurs apostats ont été tués et blessés et d'autres ont pris la fuite. 2 mines ont été déclenchées contre une moto d'un membre de la police safavide et contre un autre membre des milices Rafidites. Ils ont tous deux été tués. La louange appartient à Allah. Dans les médias de l'État islamique, Wilaya d'Al-Bahreïn. Le bureau médiatique a publié des photos présentant le frère Shuja Ad-Dawzari, qu'Allah l'accepte, qui s'est introduit dans un temple rafidite idolâtre à la commune de Sihad dans la localité d'Al-Qatif. Wilaya d'Al-Anbar. Le bureau médiatique a publié des photos montrant un aperçu des victimes et des dégâts causés par l'aviation de la coalition croisée safavide, qu'Allah l'humilie, en prenant pour cible des demeures de musulmans dans la ville de Hit. Pour conclure, nous vous rappelons les titres les plus importants de ce bulletin d'information. Vendredi. Un détachement secret a pu tuer et blesser plusieurs apostats sahawad dans une embuscade à l'intérieur de la ville de Sher Zouaï dans la région du Sinaï. Une contre-attaque a été effectuée face à une tentative d'offensive à la localité d'Al-Bouayada. Des dizaines de safavides ont été tués et blessés lors d'une embuscade près de Jami'at al-Anbar dans la région d'Al-Anbar. Une opération d'intrusion a été procédée contre les apostats du PKK dans le village de Safawiya. Près de 20 apostats ont été tués au nord de la région de Raqqa. Samedi. Une opération d'intrusion a été effectuée dans un temple rafidite des idolâtres de la localité d'Al-Qatif dans la région d'Al-Bahreïn. Une montgolfière de reconnaissance de l'armée libanaise a été abattue, avancée vers le quartier d'At-Tadamoun et prise de contrôle de plusieurs édifices importants dans la région de Damas. Des dizaines de soldats de l'armée rafidite tués et blessés dans les batailles à l'est d'Al-Baghdadi dans la région d'Al-Anbar. Prise de contrôle de 2 checkpoints du régime Nusayrid près de la localité de Thriya dans la région d'Alep. Pour finir, acceptez les salutations de vos frères. Wassalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر وأمضي حيث لا أخبر.